Section 90 de La lecture, tome 2e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. La lecture, tome 2e. Section 90 Ancien portrait par Paul Bourget. Un rendez-vous d'affaires m'avait entraîné ce matin-là en plein centre du quartier latin. C'était le lendemain d'un jour où un retentissant assassinat politique venait d'épouvanter l'Europe et précisément je passais rue de l'école de médecine devant la porte d'un restaurant d'étudiants où j'ai connu un exemplaire de cette sorte d'être, assez rare chez nous, une nihiliste russe. Et tous mes souvenirs de se réveiller aussitôt. Il y a déjà 10 années de cela, mais le restaurant n'a pas changé. La seule salle en vue est la cuisine, où la braise des fourneaux rougeoie sous les yeux des passants. Derrière cette cuisine, une seconde salle se creuse, assez propre celle-là, sinon élégante. Des toiles cirées, clouées sur le bois, garantissent les tables. Un poêle de fonte, l'hiver, ronfle au milieu. À l'un des murs est appliqué un casier à compartiments où se placent, roulés dans le rond numéroté, les serviettes des habitués. Tout à côté de ce casier, un escalier tourne, étalant un rideau de serge verte le long des barreaux de sa rampe. Cet escalier mène au cabinet particulier où les étudiants en bonne fortune conduisent leurs amis de la brasserie ou du Luxembourg. Modeste endroit où je me suis assis, combien de fois, à cette époque lointaine où, séparé de ma famille, comme la tradition littéraire l'exige, obligé pour vivre de donner des leçons de philosophie et de latin, mais résolu à ne pas me rendre et à faire de la littérature, je jouais sans autre témoin que moi-même et avec le plus grand sérieux le personnage de Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin. Combien de fois en ce temps-là, j'observais tout de la petite salle avec des yeux qui buvaient de la réalité ce que j'espérais en transporter dans un beau roman. Quelle fut donc ma joie un matin, puis le soir de ce matin, puis le lendemain de ce soir, et ainsi de suite chaque jour, de voir s'accouder à une des tables une jeune femme d'un aspect si singulier que même un indifférent en eût rêvé. Cette femme était petite. Une façon de sarrau de nuances brunes serrait son buste, qu'elle avait trop grêle pour sa tête. Cette particularité, jointe à la coupe de ses cheveux châtains, qu'elle portait courts et séparés par une raie sur le côté, lui aurait donné une physionomie presque masculine, n'eût été la pâleur de son teint et l'extrême finesse de ses traits. Le bleu-gris de ses yeux prenait des tons maladifs dans ce teint si pâle, sur lequel tranchaient deux lèvres, d'un rouge extraordinaire d'intensité, à les croire peintes. Mais, comme pour attester que cette pourpre était bien la pourpre vive de son sang, l'inconnue mordait à chaque minute ses lèvres fraîches, et ses dents apparaissaient sur le bord, très blanches et très séparées. Quelque chose de félin se dégageait des moindres gestes de cette créature aux allures menues et souples, comme celle d'une de ces petites panthères que j'allais si souvent, au sortir du restaurant, contempler, en proie aux nostalgies de la libre vie, dans les solitaires allées du jardin des plantes. L'inconnue avait une façon nerveuse de poser sur son pâle visage sa main droite, une main de garçon, carrée, avec des doigts longs et sans un bijou. À quoi pensaient alors ses yeux, dont le regard se fixait plus immobile, plus dur aussi, et sans que rien s'y reflétât des choses d'alentour, de ces choses vulgaires au milieu desquelles nous nous mouvions, moi, avec la nervosité d'un buveur de café, disciple convaincu du grand Balzac, elle, avec cette placidité absorbée que je comparais mentalement à une fièvre froide. Elle avait un art si exquis de n'être pas là, une manière si implacablement détachée d'accouder à cette pauvre table, un corps dont la rêverie vagabondait ailleurs, que je n'essayais même pas d'attirer son attention, et que je me contentais de la détailler depuis la pointe de ses bottines de cuir jusqu'au bout de ses bras où ne passait pas une ligne de blanc. Qui était-elle et d'où venait-elle? Mais je ne l'interrogeais pas, car à quoi bon faire parler des têtes dont le regard est si troublant que notre imagination l'interprète en sentiments qu'aucune réalité n'égalerait. Il advint qu'un soir, trois de mes amis, jeunes hommes de lettres comme moi, et comme moi candidats au génie, vinrent dîner dans le restaurant. Nous bûmes un peu plus que de coutume, un petit vin de Fleury, à 2 francs 25 centimes la bouteille, sanctas implicitas. Nous délia la langue, et pour ma part, je servis à mes invités une profession de foi, du nihilisme le plus extravagant. J'allais, paradoxant avec délice, tirant des feux d'artifice d'idées, parlant de la nécessité de mettre le feu au vieux monde, comme je mettais le feu à l'omelette que j'arrosais de rhum à ce moment même, sous le prétexte naïf qu'un nouveau monde, si mauvais fût-il, ne serait pas pire que l'ancien. Qui n'a connu parmi ceux qui vivent beaucoup par la conversation cette ivresse de la parole produite par le plaisir d'inventer sa pensée en la causant? Qui n'a ressenti cet étrange besoin de lasser son imagination par audace de ses excès? Je fus éloquent, si je m'en rapporte au rire avec lesquels mes compagnons accueillirent mon socialisme d'après boire, et pour la centième fois, je dépensais à soutenir une thèse dont je me souciais comme de mon premier sonnet, cette chaude jeunesse du cerveau dont on regrette si fort plus tard d'avoir gaspillé les fécondes ardeurs. N'ayant pas remarqué que l'inconnu assistait à cette orgie de philosophie pessimiste, je fus fort étonné le lendemain de m'apercevoir qu'elle me regardait, mais d'un regard qui n'invitait pas à la flirtation, car aucune coquetterie n'en déparait la virile droiture. Elle daigna même sourire à une plaisanterie innocente que je me permis à l'égard de la bonne en tablier et en bonnet qui nous servait notre potage dans des assiettes d'une faïence épaisse comme la main. Elle souriait blanc, avec sa bouche rouge. La conversation finit par s'engager entre nous. Sur quelle phrase banale, je ne me le rappelle point. Mais quand une femme veut causer avec un homme, elle a une façon de se taire qui vous force, malgré vous, à lui parler. Je n'eus pas de mérite à deviner que ma sortie extravagante de la veille était la cause de cette métamorphose, car au bout d'un quart d'heure, je savais que cette jeune femme était une Russe, et au bout d'une demi-heure, ses théories m'avaient révélé en elle une nihiliste déterminée. Elle m'avoua que depuis son séjour en France, terriblement seule et se mangeant le cœur, la révélation dans son voisin de table d'un être tout voisin d'elle par les doctrines l'avait rafraîchie comme un verre d'eau durant un âpre jour d'été. Certes, j'eus bien un peu de honte, car mon nihilisme de dessert s'était dissipé avec les fugitives fumées du vin de Fleury. Mais cette bouche rouge, mais ces yeux d'un gris bleu, mais ce teint blanc, mat, comme d'un camélia malade, mais cet accent russe qui n'en est pas un et qui pourtant timbre délicieusement chaque syllabe, je me serais fait mahométan ou luthérien pour savoir ce qu'il y avait derrière tout cela, et on ne me demandait que de ne croire à rien, ce qui était hélas plus commode. Je gardai donc soigneusement mon masque de négateur acharné. Je crois bien avoir le jour même demandé au cabinet de lecture 4 ou 5 numéros de diverses revues qui me donnèrent une érudition révolutionnaire des plus suffisantes. J'appris par cœur les titres des ouvrages d'Alexandre Herzen et la biographie de Bakounine n'eut plus de secret pour moi. Tant que le lendemain et les jours suivants, je continuai ma comédie en acteur consommé. Que celui-là me jette la pierre qui n'a pas dit oui à toutes les demandes d'une femme, rien que pour faire prononcer de nouveau un de ces « n'est-ce pas ?» que souligne un sourire de sympathie à demi-tendre. Un moins naïf que moi aurait été surpris par le singulier mélange d'indépendance et de régularité que présentait cette vie. Sophia, mais était son vrai nom, habitait Paris depuis 2 ans. Elle y étudiait la médecine. Pourquoi ne vivait-elle plus dans son pays? Avait-elle des parents, quelque fortune? Je n'ai jamais rien su d'elle que ce que j'en ai vu. Son projet, qu'elle m'avoua plus tard, était de retourner en Russie, de pratiquer sa science dans son village et de contribuer à la propagande des idées occidentales parmi les paysans. Ses mœurs étaient aussi pures que celles de la jeune fille la plus soigneusement surveillée par une mère pieuse. C'était pour moi philosophe fataliste, et persuadé, comme je le suis toujours, de la profonde identité entre l'esprit et le cœur, les doctrines et la sensibilité, un indéfini sujet de réflexion que le contraste de cette pureté quasi mystique et des théories où se complaisait cette intelligence désorbitée. La chambre meublée où elle vivait, et où je fus admis dès les premiers jours de notre liaison, ouvrait sur le carré du troisième étage dans un hôtel de la rue de la Sorbonne. Les jeunes gens qui peuplaient cette maison facile ne s'y faisaient pas faute d'y mener une brillante vie d'amour, de jeunesse et de mélancolie, comme M. Renan l'a écrit quelque part avec une indulgence sympathique, à propos des hardies débauches de l'Olympe grecque. C'est assez dire que l'escalier était rempli de créatures aux chignons trop jaunes, aux yeux trop cernés, aux bas de robe traînés dans la crotte, à l'âme traînée dans les pires fanges du vice parisien. Sophia montait et descendait cet escalier comme les archanges des tableaux primitifs traversent des hôpitaux de pestiférés, sans une souillure pour sa chair où semblait couler de la neige. Ses livres, sa correspondance, ses cours occupaient toutes ses journées, et l'auréole de la foi, car c'était une foi à rebours que ce fanatisme silencieux et passionné, nimbait si étrangement cette tête exsangue que, même dans ce milieu de mœurs plus qu'équivoque, elle imposait une sorte de respect et défendait la familiarité. Il y a des réserves qui tiennent lieu d'un bâton de longueur. La sienne était ainsi. En ai-je été amoureux ? Je mentirais si je répondais oui. Je mentirais encore si je disais qu'elle me demeura indifférente. L'attrait de curiosité qu'elle m'inspira devint une passion et me rendit au bout de quelque temps parfaitement malheureux, comme il arrive de tous les sentiments mal définis lorsqu'ils ont une femme pour objet. Je m'étais sur le compte de l'étude psychologique, et c'était à moitié vrai, mais à moitié seulement, hélas, les instants que je dépensais à causer avec Sophia, négligeant un roman commencé, mes plans de travail nocturne. Je me levais alors à 3 heures de nuit, comme le maître, pour noircir du papier avec exaltation. Toute ma joie était de lui procurer des billets de théâtre, une promenade à la campagne, les livres nouveaux, quand elle désirait une salle d'orchestre, un coin de paysage, la primeur d'un volume. Et jamais aucune de ces complaisances qu'elle acceptait avec son même regard droit et clair d'archange sans sexe ne put percer la sorte d'éther glacé au centre duquel sa personne se mouvait, comme dans une atmosphère à part de la nôtre. Inexplicable fille, qui parlait de l'amour, de la maternité, de la mort, dans des termes d'un matérialisme scientifique, et à qui nulle bouche d'homme n'avait seulement baisé la main. Et voici que par le clair matin de printemps où je traversais le quartier latin, en plein éveil de ces étudiants heureux et de ces filles rieuses, la mélancolie m'envahit en songeant à ma compagne de tant de soirs passés dans la petite salle d'où elle est partie, pour n'y plus jamais revenir. Elle quitta son hôtel un jour. Elle ne laissa pas son adresse. Elle n'écrivit pas. Je n'ai jamais lu depuis lors le récit d'un complot découvert en Russie ou d'une exécution politique sans que mon cœur se serra. Fin de la section 90.